Les bas-fonds de Paris, tome 1, deuxième partie, chapitre 1, Le roi de la pierre. La jeune Amérique est la terre des prodiges, des merveilles et des miracles. La vie y est intense, formidable, rapide, foudroyante. La circulation déconcerte notre imagination routinière, paresseuse et timorée de vieux monde et de fin de siècle. La grande république a ses rois, rois étranges, féeriques et titanesques, le roi de l'or, le roi des chemins de fer, le roi du pétrole, le roi de l'électricité, Edison, salué, et Barnum, le roi du boniment, en avant la grosse caisse, zimboum. Le français Jean Robin, devenu par américanisme John Robin, était le roi de la pierre. Oh, très fort, le Great John, comme on l'appelait avec une familiarité enthousiaste. Il avait construit des quartiers entiers de New York et de Chicago, bâti des maisons en 5 jours, des palais en 6 semaines et des villes en 3 mois. Il avait jonglé avec les millions, remué des milliards, et lui en était même resté aux mains. Débarqué au pays des dollars plus gueux que Job, il avait, 5 ans après, donné une fête grandiose au profit des pauvres en l'honneur de son premier milliard. Mais quel rude effort pour la conquête de cette royauté, quelle formidable dépense de volonté puissante! Maintenant, disaient les Yankees, leur Great John ne comptait plus, ne savait plus le chiffre fabuleux de sa fortune. Et ce qu'elle fut assiégée, cette fortune. Les héritières à millions, les aventurières hardies, les Misses à beauté légendaire, essayèrent de forcer le cœur du français. Mais il vécut seul. Et nul ne sut le secret des luttes qui ravagèrent ce cœur alors que, dans sa chambre, par les nuits de souvenirs affolants, il voyait se dresser l'image de l'absente, de l'infidèle. Et voilà qu'il annonçait son départ pour la France sans esprit de retour, sa majesté quittant l'Amérique. Un deuil national. Le contre-coup de cet événement eut son retentissement à Paris. Le roi de la pierre était chez nous un personnage légendaire. On le considérait presque comme un mythe. On s'occupa de lui avec force détail. Le Great John était Jean Robin, ce jeune sculpteur de rien du tout, un petit architecte du parc Monceau. Vous savez bien, l'hôtel de la déjà vieille Suzanne d'Amour, c'était lui. Aïe, ça n'était plus commode de le débiner. Voyez, milliard. On attendit son arrivée, que les journaux donnaient comme prochaine, et les nouvelles d'aller leur train, stupéfiantes, mais vraies. Premièrement, Jean Robin avait acheté un immense hôtel entouré de magnifiques jardins, avenue des Champs-Élysées. Deuxièmement, on démolissait le dit hôtel pour mettre à sa place le palais du milliardaire à New York, tout simplement. Oh oh ! Les plus pénétrants intervieweurs furent expédiés en Amérique et le roi de la pierre s'amusa fort de leur surprise qui touchait à l'affolement. Toujours économe de son temps, il les reçut tous ensemble dans son merveilleux cabinet de travail où chaque bibelot était un chef-d'œuvre. Et, les mains dans ses poches, très américain et parisien à la fois, il leur dit délibérément « Vous vous êtes, messieurs, émus d'une chose ou d'une série de choses pourtant fort simples et logiques. J'ai acheté, à Paris, une propriété admirablement belle et bien située, que je connais de longue date pour y avoir un peu travaillé quand j'étais encore aux Beaux-Arts. Il y a sur cette propriété un tas de moellons très laids que vous appelez un hôtel. Il me gêne et je l'ai fait enlever. Reste à le remplacer par quelque chose de mieux. Ce serait l'affaire d'un mois s'il s'agissait d'une bicoque quelconque, mais nous voulons de l'art. Et là, le temps fait beaucoup à l'affaire. Savez-vous combien il en faudrait, à vos architectes, pour reconstituer la demeure où vous vous trouvez actuellement? 50 ans et il n'en sortirait pas. Songez que j'ai mis 10 années à la créer et à la décorer et que 200 sculpteurs ou artistes dignes de ce nom y ont travaillé sans relâche. Cela forme un tout que j'aime avec passion, comme l'œuvre de ma vie. Aussi je l'emporte avec moi, ou plutôt avant moi. On va donc déménager mon immeuble avec ce qui est dedans et ce sera l'affaire d'une saison pour tout remettre en place. L'hiver prochain, j'espère bien avoir l'honneur de vous recevoir dans cette même demeure. Avenue des Champs-Élysées. Et sur ce, tous mes compliments, messieurs. Ils voulurent le féliciter, exprimer leur admiration, sincère d'ailleurs, éblouie par l'éclat des dollars qu'on remuait à l'appel, semblait-il, dans cette maison fantastique. Mais il eut un geste de souveraine indifférence, une chiquenaude d'un tel mépris pour l'argent qu'ils en demeurèrent glacés. Et le roi de la pierre, pirouettant sur ses talons, laissa ses auditeurs ahuris. Il se demandait si le fameux hôtel de Jean Robin n'était pas un simple décor d'opéra transportable à volonté. Dans l'avenue, ils purent se convaincre du contraire. Des centaines d'ouvriers commençaient déjà le déménagement du palais du milliardaire et l'on enlevait, avec de puissants appareils, les blocs de marbre sculptés et ciselés avec amour qui formaient la façade d'honneur. Des navires attendaient sous pression via le Havre où des trains spéciaux de marchandises étaient commandés. En somme, la chose, quoique osée et originale, était pratique et point ruineuse du tout pour un monsieur comme Robin. On était même bien loin de cette fantaisie esbrouffante d'une reine américaine que la vue de l'Arc de Triomphe gênait de son balcon et qui demandait à l'État et à la ville combien ça coûterait pour le faire enlever. L'attente des badauds parisiens à l'affût de la reconstruction du palais du nabab américain fut trompée. On éleva d'énormes échafaudages. Les terrains de l'avenue des Champs-Élysées furent entièrement clos et couverts, ce qui permit de travailler par tous les temps, jour et nuit, grâce aux projections électriques. Le manager de Jean Robin, Sir Patrice Guéry, présidait, en personne, aux travaux. Un drôle de type encore celui-là, et un vénard. De bonne famille irlandaise et mêlé très jeune au mouvement fainéant, il avait dû fuir l'Angleterre pour éviter le hard labor, les travaux forcés, sinon la corde. En Amérique, il avait brillamment réussi chez Jamie, le roi du fer, mais l'amour avait brisé tout net sa carrière. Il s'était épris de Miss Hélène Jamie, la propre fille du grand métallurgiste, et celle-ci avait si bien partagé ses tendres sentiments qu'elle avait quitté père et mère pour épouser son Guéry au nez de toute sa famille, et quel nez. On sait qu'en Amérique, comme en Angleterre, et c'est bien, on n'a pas besoin du consentement de ses parents pour se marier. Jamie, le roi du fer, se montra de roc. D'abord, il coupa les vivres à Guéry, 4 000 livres par an. Ensuite, il distribua à ses proches la dot d'Hélène, 5 millions de dollars. Tous les rois approuvèrent, sauf un seul, le Great John, et il le fit bien voir. La fugue d'Hélène Jamie reçut son éclatante approbation. Il félicita hautement la jeune fille d'avoir sacrifié l'or de son père à l'amour de Patrice et il doubla sa dot, la priant d'accepter, avec l'hommage de son respectueux dévouement, un chèque crossé de 10 millions de dollars. Patrice Guéry courut remercier le roi de la pierre et lui rapporta noblement son chèque que le Great John refusa net. « Ah ça, dit-il gaiement, auriez-vous la prétention de dépouiller Lady Guéry après avoir ruiné Miss Jamie ?» Et pour le mettre à l'aise, il ajouta « Vous n'avez qu'un moyen de me rendre cet argent, c'est de le gagner chez moi. Soyez mon manager, mon directeur. » Un solide shake-hand scella le pacte et l'union de ces deux rudes hommes devint indissoluble. Guéry se serait fait non seulement tuer, mais encore hacher en tout petits morceaux pour son « great old friend ». Et Jean Robin lui rendait son amitié. Il n'y eut qu'une ombre fâcheuse dans le tableau. Robin dut se battre au pistolet avec Jamie, et le roi du fer y perdit le bout de son nez, ce dont il enragea furieusement. Encore une pierre de l'autre roi dans son jardin, dirent les spirituelles gazettes yankees. Le Great Jones devenait le roi des rois, l'invincible. Il n'en paraissait ni plus fier, ni plus heureux, dépensant sa vie et sa prodigieuse activité sans compter dans des entreprises gigantesques, sans qu'aucune humaine faiblesse vînt le détourner de sa marche d'ouragan et de cyclone. Le roi, le génie de la pierre, avait-il donc un cœur de marbre ? C'est sur ce point d'interrogation que le drame commence.